La meurtrière innocente par Charles Richebourg. Chapitre 1er. Victor, a dit Toto, le fils de la crémière, annonça la bonne nouvelle à ses copains en poussant un glapissement aigu. « V'là le gentil monsieur !» Aussitôt, avec un ensemble digne d'un orchestre philharmonique, les cinq autres gosses levèrent la tête, tandis qu'une intense jubilation éclairait leurs petits visages fripés d'enfants mal nourris. Leur jeu, cependant, était passionnant, puisqu'il consistait à faire évoluer des bateaux de papier sur une flaque d'eau sale. Mais ils abandonnèrent sans hésitation la volupté de patauger dans la boue pour se précipiter au-devant de celui qu'ils attendaient comme le Messie. Le gentil monsieur n'avait rien toutefois d'un envoyé de Jéhovah. Sa seule auréole consistait en un vieux chapeau melon que les intempéries avaient rendu verdâtre, et il avait remplacé le manteau de lumière des habitants du céleste séjour par un pardessus noir, légèrement élimé, dont la coupe démodée témoignait des bons et durables services. Physiquement, ce personnage, espéré avec tant d'impatience par les poulebots du quartier, ne présentait aucune particularité digne d'être notée. Il n'était ni grand, ni petit, ni gros, ni maigre. Il avait au milieu du visage un nez désespérément normal au-dessus d'une bouche moyenne, et celle-ci surplombait un menton rigoureusement quelconque. Quant aux yeux, il lui était impossible d'en déterminer la couleur. En un mot, cet homme, extraordinaire par son conformisme, eut posé à Bertillon un problème délicat et mis en échec les professionnels les plus habiles du portrait-parler. Il ne possédait pas un atome d'originalité et rien ne le signalait à l'attention de ses contemporains. Rien, si ce n'est un nom idyllique, un nom qui évoquait à la fois les anges et les fleurs, le paradis et la terre, en ce qu'elle produit de plus chatoyant. Il s'appelait tout simplement Séraphin Pervenche et exerçait, avec une distinction parfaite et une maestria remarquable, la délicate profession de rentier. Quant à l'âge de cet étrange personnage, il était indéfinissable. Si l'on considérait ses traits étonnamment mobiles et ses tempes, que ne blanchissait aucune pincée inopportune de sel, M. Pervenche devait à peine friser la quarantaine. Mais, si l'on s'attardait à tenir compte de son dos voûté et de son allure générale, le gentil monsieur devait avoir dépassé le cap des 60 printemps. Un sourire légèrement fatigué se jouait sur ses lèvres lorsqu'il vit déballer vers lui l'avalanche indisciplinée de ses petits protégés, et comme il était un homme rangé, pénétré de principes rigides, il exagéra la sévérité de sa voix pour demander, coupant court à tous les saluts de bienvenue qui fusaient comme autant d'hommages intéressés, « Avez-vous bien travaillé à l'école ?» La réponse fut unanime « Oh oui, monsieur !» Le gentil monsieur se contenta de ces affirmations gratuites et du reste pratiquement incontrôlables. Il déboutonna son pardessus et du gousset de son gilet gris-perle, il retira quelques pièces de 10 francs. Ses gestes étaient méthodiques et précis et il glissa dans chacune des menottes à vide qui se tendaient vers lui la récompense d'un travail scolaire qu'avait maintes fois remplacé l'école buissonnière. Le gentil monsieur le savait fort bien, mais il en avait cure. Il ne se souciait nullement de ses gosses dépenaillées. Sa pensée était pétrie d'égoïsme, et ce qu'il soignait en cet instant, c'était sa popularité personnelle. Un coup d'œil discret, jeté aux alentours immédiats, lui apprit que son argent avait été judicieusement placé. 3 commères, rassemblés sur le seuil d'un immeuble voisin, commentaient déjà sa générosité, en suivant d'un regard attendri le groupe tumultueux des gamins qui se précipitaient vers la boutique du marchand de berlingots. M. Séraphin Pervenche salua les femmes avec politesse, puis il poursuivit sa route sans se presser en rentier véritable qui n'est tenu de respecter d'autre horaire que celui de sa fantaisie. Il faisait très frais en cette fin d'hiver pluvieux, qu'aucun souffle printanier ne consentait encore à réchauffer. Comment des gosses peuvent-ils s'amuser dans l'eau par un temps pareil ? Cette question, le promeneur solitaire se la posa en enfonçant dans ses poches ses mains gourdes de froid, bien qu'elles fussent gantées de grosses laines tricotées. Au coin de la rue, comme un frisson désagréable lui parcourait l'échine, il s'arrêta devant la vitrine d'un pharmacien et, entrant dans l'officine, il y fit l'emplette de cachets d'aspirine, de thé, de tilleul et d'un tube de somnifère. Réconforté par l'idée qu'il pourrait combattre victorieusement une grippe naissante et passer une bonne nuit, il regagna son domicile. La concierge, qui somnolait dans sa loge, il lança un bonsoir distrait, puis, retombant subitement sur terre, il interrogea la pipelette d'un air profondément ennuyé. « Déjà du monde à ma consultation, Madame Blanchette ?»« Deux personnes seulement, Monsieur Séraphin, » fit la cerbère locale, d'une voix enrouée par des calvados absorbés sans modération. « Elles attendent dans l'antichambre. » Et clignant de l'œil, elle ajouta, en se passant la langue sur ses lèvres lipues, « Une belle môme, notamment, et distinguée. » Mais ce Séraphin Pervenche ignora cette remarque intempestive. Il avait horreur des commentaires superflus. Aussi se contenta-t-il de demander, avec une bienveillance compatissante, « Et les oreillons de la petite Jeannine, ils ne la font plus souffrir ?»« Quel brave homme, que ce rentier débonnaire !» Ne voilà-t-il pas qu'il s'intéressait à la petite fille du noble concierge de Faubourg? Du coup, Madame Blanchette en oublia ses griefs contre l'aristocratie. Elle fut émue jusqu'aux larmes, et c'est d'une voix mouillée de sanglots de reconnaissance qu'elle répondit « Merci, Monsieur Pervenche. Elle va mieux, la pauvre petite. Mais le bon Dieu n'est pas juste d'affliger ainsi d'innocents petits chérubins, incapables de songer au mal. À 4 ans, pensez donc. » Cette réflexion, amère mais simpliste, laissa son interlocuteur froidement indifférent. Néanmoins, il feignit un impitoiement empreint d'une profonde sympathie. Il déboutonna une fois de plus son ample pardessus noir, et dans la poche de son gilet gris-perle, il dut tâter longtemps avant de trouver ce qu'il cherchait. Finalement, il en retira une pièce de 20 francs qu'il tendit à la bonne femme. « Mettez cela dans sa tirelire, » fit-il avec le sourire bénin d'un oncle de sucre, « et dites-lui d'être bien sage, » et de prendre sans rechigner les potions que lui prescrira le docteur. Monsieur Pervenche emprunta sans plaisir le chemin escarpé qui menait à ses appartements privés. Ils étaient situés au second étage au-dessus de l'entresol, et sur le palier, tassés sur 2 des 6 chaises disposées en émeraude qui constituaient l'antichambre, 2 êtres minables attendaient, dans l'inconscience lucide du bœuf qui, à l'abattoir, se sait voué au Merlin fatal. Il y avait là la belle môme si distinguée, annoncée par la concierge. Des cernes bleuâtres lui mangeaient un visage fardé sans discrétion. L'autre client était un homme, jeune encore, à la figure ravagée, au masque jaune, où s'inscrivait la privation, représentant, de manière saisissante, l'image d'un candidat au suicide. Séraphin Pervenche n'accorda qu'un regard distrait à ces déchets d'humanité. Chez lui, à pied d'œuvre, ses allures se modifiaient. Il interprétait un rôle nouveau, le véritable, celui que lui imposaient ses occupations. Il traversa le palier en outrant sa nonchalance, s'arrêta devant la porte du fond où une carte de visite fixée au moyen de 3 punaises proclamait son nom et son état, puis il pénétra dans le bureau où maintenant il allait exercer ses activités financières avec une dignité et une conscience dignes d'un meilleur sort.